Salut, bande de blaireaux. J'encule ta mère. À sec, avec du sable. Voilà. Con. Con. C'est parce que j'ai la chiasse aujourd'hui, alors forcément, faut pas pousser trop fort. Du coup, pas de hardcore ce soir. Soirée un plus jeune. I read the book of Sara Lee, come on me.

small town. Ah, retourne en bénition. S'il vous plaît, froncez les sourcils, ou vous aurez de vraies raisons de vous en faire de la ville. Si je modère mes paroles et vous fais étonnant du geste, c'est que vous êtes vraiment drôle dans le rôle de la fête. Vos remontrances malades, combien me rendent fou vos regards et vos doux. Ah, ah, ah, ah. Ne fuyez pas la différence, ne fuyez pas pour m'éviter avant que c'est plaisant de garder un...